Ouais, enfin, je suis sur Jamulus en ce moment. comme la mer. Come on, my friend. Salut. May I come in? May I... Bien sûr. Accélère. Ça vous va la batterie là ? Fais ton rythme.